Chapitre 32e. Douze couverts, répondit le garçon à la question de Saint-Chais. Où avez-vous pêché tout ce monde? Demanda celui-ci à Richelet qui entrait. Sur la route du bois et dans les Champs-Élysées. J'en aurais bien ramené 10 fois autant si j'avais voulu, mais j'ai trié les convives sur le volet. J'ai choisi des amis de Madame André. C'est gentil, dit Saint-Chais, tout attendri à l'idée de faire plaisir à Rose. Il avait pour elle une affection de caniche. Vous avez invité Max? J'ai envoyé chez lui. Il rentre ordinairement pour s'habiller. Je pense qu'on lui remettra mon mot. J'écris au-dessous, toutes affaires cessantes. Et je suis venu, fit Max, qui entrait sur ces mots. Qu'est-ce qu'il y a donc? Rose Rosier dîne avec nous, annonça Saint-Chais d'un ton important. Avec son mari? Non, seul. Max prit un air grave. C'est un jeu à vous faire mettre du plomb dans la cervelle, dit-il à Saint-Chais. Je me suis informé, mon ami, c'est un homme très bien que Monsieur André. Un homme d'honneur et de mérite, mais pas commode. Ce jeu-là finira mal. Mais, fit innocemment Saint-Chais, puisque c'est en tout bien tout honneur. Il y a quelque chose de plus nuisible que de faire le mal, dit sentencieusement le journaliste, c'est d'en avoir l'air. La maxime n'est pas neuve, mais elle est toujours vraie. Comment voulez-vous que M. André vous sache gré de faire dîner sa femme en garçon chez le doyen avec une douzaine d'hommes plus ou moins en vue? Tant pis pour lui, conclut Saint-Chais, qui n'aimait pas les réflexions à longue échéance. Et puis il est trop tard pour y revenir. Ils passèrent dans le salon où Rose les attendait. Pornic s'y trouvait, et l'annonce de la présence de la jeune femme à Paris ne l'avait pas surpris le moins du monde. Il s'était invité de lui-même dès le premier mot de Richelet. On causait gaiement et même bruyamment. Saint-Chais offrit son bras à Rose, qu'il conduisit à la salle à manger, où elle trouva sur son couvert un bouquet magnifique. « Oh ! » s'écria l'amphitryon. « Qu'est-ce qui m'a volé mon idée de bouquet ?» Pornic ne dit rien, mais sourit de façon à indiquer la provenance de cette intention délicate. Rose ne le remercia ni du regard, ni du sourire. Elle l'avait pris en grippe sans savoir pourquoi. Max se trouvait près de la jeune femme qui, de l'autre côté, avait Saint-Chais pour voisin, bien entendu. Profitant d'un moment de brouhaha général, il lui dit tout bas « Vous ne devriez pas être ici. » « Vous aussi, » lui dit Rose d'un ton dédaigneux, « vous postulez pour l'emploi de mentor. La place est prise, mon cher, et même il y a des surnuméraires. Ainsi, vous ferez mieux de voir autre part. » Il n'avait plus qu'à se taire. C'est ce qu'il fit, non sans regret, car il avait pour Rose une affection réelle, d'une nature assez compliquée mais assez forte pour lui faire encourir au besoin même le risque de lui déplaire ainsi qu'il venait de le prouver. Le dîner fut amusant, mais sans rien de particulièrement remarquable. Rose avait espéré quelque chose de plus gai. Ces hommes qui se connaissaient entre eux, qui la connaissaient tous, qui ne se sentaient pas autorisés à lui adresser de grossières galanteries, semblaient un peu embarrassés du rôle qu'ils jouaient là. Par moments, on eût dit qu'ils s'attendaient à avoir entré, au lieu de la paisible face du garçon, le visage irrité du mari de Rose. Vers la fin du repas, cependant, cette sorte de contrainte s'effaça et l'assemblée devint plus joyeuse. Quand le dessert fut sur la table, Richelet se tourna vers Rose. « Voyons, madame, vous nous devez bien un discours. Parlez-nous un peu de vous-même. Je vous jure que rien ne saurait être plus intéressant. »« Soit, » dit Rose, « mon discours sera bref. Il sera en même temps ma profession de foi. » Elle leva sa coupe de cristal, pleine de vin mousseux, auquel elle n'avait pas encore touché. « Je bois, » dit-elle, « à l'indépendance. » C'est assez, vous dire, messieurs, et j'ajouterai, mes amis, que je prétends redevenir ce que j'ai été, et rien d'autre chose. Une artiste qui se consacre à son art et veut tâcher de se faire un grand nom. Vive Rose Rosier, cria-t-on autour de la table. Elle salua de tous côtés et se rassit d'un air calme. Et vous jouerez le grand drame de Pornic, dit une voix partant du bout. Qui a dit cela? Fit-elle en devenant pâle. Sa voix avait un accent de mépris indicible. Pornic resta légèrement décontenancé. Personne ne se souciait de relever le gant. « Je n'ai rien promis, » reprit-elle. « L'indépendance est ma devise, et je n'irai pas m'enchaîner dès mes premiers pas dans une voie nouvelle. Je vous prie instamment, messieurs, de ne pas me mêler à des racontars sans fondement. Je vous le demande au nom de l'amitié que vous me portez. » On applaudit encore, moins bruyamment que tout à l'heure. Cet incident avait, comme on dit, jeté un froid sur l'assemblée. On se leva pour passer dans le salon voisin, et Max se rapprocha de la jeune femme à laquelle il avait évité de parler confidentiellement pendant le dîner. « Vous avez sagement parlé, » lui dit-il affectueusement. « Ne permettez pas de prononcer votre nom avec celui de Gérard Pornic. Il abuserait promptement de ce privilège. »« Voulez-vous dire qu'il en a déjà usé ?» fit Rose, les yeux flamboyants. « Non, mais d'autres l'ont fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et c'est déjà trop. » Elle tressaillit au souvenir du jugement porté par Langlois sur cet homme, qu'elle avait traité avec trop de familiarité. « Merci, » dit-elle, « j'y veillerai. »« Qu'allez-vous faire ?» lui demanda-t-il, en voyant un air de lassitude s'étendre sur le visage de Madame André. « Je n'en sais rien. Je suis las de la vie. Il y a longtemps. Allez. » « Si vous avez besoin d'un ami, » continua-t-il en souriant, « souvenez-vous que j'ai toujours eu le courage de me quereller avec vous. C'est une preuve d'amitié, cela. » Elle le remercia des yeux, et appelée ailleurs, n'eut plus d'occasion de lui parler. Quelques instants après, elle demanda à rentrer chez elle. On protesta bien un peu pour la forme, mais Saint-Chef avait prévu le cas et son coupé se tenait à la porte depuis une heure déjà. « N'oubliez pas, messieurs, » dit-il, « que Madame André part demain matin pour le train de 7 heures. » « Adieu, mes amis, » dit Rose avec un sourire plein de mélancolie. « Au revoir, voulez-vous dire, » cria-t-on autour d'elle. « Au revoir, adieu, c'est la même chose. Est-ce que nous savons jamais ce que la vie nous réserve ? Si j'allais mourir dans un accident de chemin de fer, si, visitant Bruxelles, je suis tenté de me précipiter du haut du clocher de Sainte-Gudule, je ne réponds de moi-même ni pour un jour ni pour une heure. C'est pourquoi je vous dis adieu, mes amis. « Rose, vous me mettez la mort dans l'âme, » murmura Saint-Chef, les yeux pleins de larmes. « Ne dites donc pas des choses comme ça, vous me faites froid dans le dos. » À bientôt sur une de nos plus belles scènes, » dit Richelet pour atténuer l'effet produit par les paroles de la comédienne. Elle sourit gaiement. « J'en accepte l'augure, » dit-elle, « et je vous remercie. » Saint-Chef avait demandé et obtenu la permission de la reconduire jusqu'à l'hôtel. Quand ils furent seuls dans le coupé, il prit sa main qu'elle lui abandonna. « Votre mari est donc bien terrible, » dit-il, « que vous en avez si peur. »« Ce n'est pas de lui que j'ai peur, » répondit-elle, entraînée par cet inexplicable besoin de confidence qui saisit parfois les plus orgueilleux. « C'est de moi-même. »« Je ne comprends pas, » fit naïvement l'excellent garçon. « Moi non plus, » dit-elle en riant follement, après quoi elle ajouta, « j'ai parfois envie de mourir. Avez-vous un revolver, Saint-Chef ? Donnez-le-moi, cela pourra m'être utile. »« Jamais de la vie !» s'écria-t-il, terrifié. « Eh bien voilà une conversation gaie pour finir la soirée. On ne dit pas des choses pareilles après dîner, cela trouble la digestion. »« Vous boirez de l'eau de Seltz, » répondit-elle en riant plus fort. « Nous voici arrivés, adieu, Saint-Chef. Je vous défends de monter. » Il la regardait avec des yeux pleins de regrets. « Je vous aime bien, mon bon Saint-Chef, » dit-elle en lui prenant la tête dans les deux mains et en lui plantant 2 baisers sur les joues. « Vous êtes vraiment un bon caniche. »« Si vous aviez besoin de moi, Rose, il n'est rien que je ne fasse pour vous. J'irai en Amérique, vrai. Si vous vouliez, vous n'auriez qu'à me dire un mot. Je vendrai tout le bibelot et j'irai en Amérique. »« Nous verrons, » dit la jeune femme en riant. Elle descendit du coupé et s'enfonça sous la voûte. En entendant courir derrière, elle se retourna. C'était son bouquet qu'elle avait oublié et que le valet de pied lui apportait. On le monta à sa chambre, où elle se trouva seule l'instant d'après. Elle resta tout d'abord tout épuisée de l'effort violent de cette soirée. Trop d'impressions diverses se succédaient dans son cerveau un peu égaré. Ce qui surnageait en réalité, c'étaient les dernières paroles de Saint-Chef qui lui avaient été au cœur. Dans la bonté naïve de ce grand enfant, elle avait démêlé une confiance absolue, une tendresse sans arrière-pensée. « C'est le seul être qui m'aime pour moi, » se dit-elle en fondant en larmes. « Il est si bête, » fut sa seconde pensée qui amena un sourire. Mais la bêtise merveilleuse de Saint-Chef ne pouvait effacer sa bonté chevaleresque, et elle se plut à se le rappeler de 100 façons. Tout à coup, elle s'aperçut que quelque chose la gênait. Elle regarda autour d'elle. C'était l'odeur pénétrante du bouquet de Pornic. Avec un inexprimable dédain, elle le prit, ouvrit la porte et le jeta dans le corridor. Le courant de ses idées avait changé. « Et j'ai failli me laisser prendre aux paroles de ce fat, » pensa-t-elle. « Quelle triste chose que la vie, et comment on s'y trompe toujours. »